The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To rain. Pleuvoir. To like. Aimer. Song. La chanson. Rain. La pluie. To jump. Sauter. Clever. Malin. Wet. Mouillé. Now a bit faster. Clever. Malin. To rain. Pleuvoir. Clever. Malin. Song. La chanson. Rain. La pluie. To rain. Pleuvoir. To like. Aimer. Clever. Malin. To rain. Pleuvoir. To like. Aimer. To jump. Sauter. Song. La chanson. Now, use the words in context. La pluie. I'm bored with the rain. I want some sun. J'en ai marre de la pluie. Je veux du soleil. Aimer. I like to swim. J'aime nager. Sauter. Come on three, let's jump. One, two, three. Allez, à trois, on saute. Un, deux, trois. Malin. He is not very clever. The police catch him every time. Il n'est pas très malin. La police l'attrape à chaque fois. Mouillé. I have no umbrella. I'm completely wet. Je n'ai pas de parapluie. Je suis complètement mouillé. La pluie. I'm bored with the rain. I want some sun. J'en ai marre de la pluie. Je veux du soleil. Sauter. Come on three, let's jump. One, two, three. Allez, à trois, on saute. Un, deux, trois. Mouillé. I have no umbrella. I'm completely wet. Je n'ai pas de parapluie. Je suis complètement mouillé.